Bonjour et merci d'être toujours fidèle à l'histoire en podcast. Alors, après avoir vu comment l'Église, à travers ses conciles, donc ses rassemblements d'évêques, eh bien, tente à la fois d'assurer son pouvoir et en même temps de le contrôler de l'intérieur, nous allons voir aussi comment le concile s'intéresse au cas des Juifs. Alors, les Juifs font partie des minorités religieuses non chrétiennes, comme par exemple les Ariens, que l'Église considère aussi comme des non-chrétiens, puisqu'ils ne reconnaissent pas la divinité du Christ. Et même s'ils ont un clergé, et des basiliques, et un culte des reliques, et que les Ariens en fait ressemblent beaucoup à des catholiques, l'Église considère que ces hérétiques sont extrêmement dangereux et qu'il faut à tout prix les écarter de la vie sociale. Il y a aussi l'hérésie des Bonosiens, qui est aussi pointée du doigt dans deux ou trois conciles. Mais on voit que concernant les Juifs, l'Église catholique les connaît bien. Ils sont bien connus en réalité dans la France mérovingienne. En général, les Juifs d'ailleurs ont le statut de gallo-romains. Et avec l'accession finalement à l'égalité de statut entre gallo-romains et franc à l'époque de la décrétion de Childebert en 595, puis étendu à tout le royaume franc, les Juifs ont connu une véritable prospérité, ont pu rentrer dans les institutions et véritablement même tutoyer le pouvoir. Et peut-être aussi obtenir quelques convertis ou obtenir quelques conversions au judaïsme. C'est pour cette raison d'ailleurs que l'Église se méfie considérablement des Juifs. Et les conciles organisent cette discrimination donc systématique à l'égard des Juifs au nom de la protection de la foi des faibles. Leur influence, leur capacité de détourner les chrétiens de leur foi est consciencieusement surestimée par les pères de l'Église, peut-être dans le but de faire peur. En tout cas, il est interdit de prendre ses repas avec un juif, concile d'Épaône en 517. Les mariages mixtes chrétiens et juifs sont illicites et exposent les contrevenants à l'excommunication, Vaison 529. Même sort réservé aux personnes prises en flagrant délit de fornication avec un juif, Clermont 535. La magistrature est interdite aux juifs sauf s'ils se font baptiser, Clermont 535. Interdiction faite aux Juifs de se montrer depuis le jour de la scène du Seigneur jusqu'au lundi de Pâques, Orléans 3, 538. Ça, c'est peut-être aussi une mesure pour les protéger contre des risques de lynchage. Puisque pendant les fêtes de Pâques, on lit en général l'évangile de Saint Jean, et que dans l'évangile de Saint Jean, les Juifs, malheureusement, ne donnent pas une image d'eux-mêmes tout à fait très bonne, il faut le dire. Le prosélytisme juif est interdit, Orléans 4, 541. Les dispositions contre les juifs deviennent plus rares. Les dispositions contre les juifs deviennent plus rares donc à partir du concile de Clichy en 627, parce qu'à partir de ce concile-là, le roi d'Austrasie, qui est le jeune Dagobert, a décidé d'expulser tous les juifs de son royaume. Alors il les expulse d'Austrasie, pas de tout le royaume franc, mais d'Austrasie aussi. Et on pense, selon la légende, qu'il aurait en fait mal interprété une prophétie qui aurait été formulée dans l'Empire de Byzance, selon laquelle en réalité le royaume franc sera un jour mis en danger par des armées de circoncis. Donc pour Dagobert, un circoncis c'était forcément un juif, et donc il a expulsé tous les juifs du royaume pour éviter des troubles ultérieurs. En réalité, ces circoncis n'étaient pas les juifs, mais c'était plutôt les musulmans. Et les musulmans viendront, mais ils viendront beaucoup plus tard, en 721, dans le royaume franc. Alors, les conciles mérovingiens se préoccupent aussi du statut, du sort des femmes. L'idée étant de protéger donc les femmes contre les hommes et contre les puissants et de leur permettre de vivre leur foi comme elles l'entendent. En fait, la fragilité de leur condition rend difficile la pratique de leur foi. Elles veulent rentrer dans les ordres, malheureusement elles sont mariées de force. elles souhaitent devenir laïques consacrées, elles sont violées. Enfin, donc c'est vrai qu'il faut organiser une certaine protection pour leur permettre de vivre leur foi comme elles l'entendent. Et à cette époque, donc, les femmes peuvent soit se marier, soit entrer au couvent, soit rester célibataires, surtout lorsque leur situation ne leur permet pas de se remarier, et c'est le cas des veuves de diacres, soit de vivre consacrées dans la continence et dans le monde, ce qu'on appelle les laïcs consacrés, soit enfin être diaconesses. Et le pape François, là-dessus, a raison. Donc le pape François qui veut réhabiliter le diaconat féminin a raison quand il rappelle que cette pratique a existé dans les premiers temps de l'Église. Il est difficile de savoir pourtant s'il s'agit d'une ordination ou d'une bénédiction. La diaconesse vit comme une laïque consacrée dans la continence et dans le monde. Elle reçoit une bénédiction spéciale. Pourtant, dès 533, le Concile d'Orléans II dispose dans le canon 18 que la bénédiction diaconale ne sera conférée à aucune femme vu la fragilité de leurs conditions. C'est donc par une simple mesure de police que les pères conciliaires mettent fin à cette pratique. D'autres interdits viennent encadrer la présence des femmes dans l'Église. Les chœurs féminins sont interdits et remplacés par les chœurs de moines. Les femmes ne peuvent communier main nue, ni tête nue. Elles doivent porter un voile, le dominicalis. Les dispositions sur les attitudes que les clercs doivent adopter vis-à-vis des femmes sont extrêmement nombreuses et répétées. Ils ne peuvent recevoir chez eux qu'une liste limitative de femmes, sœurs, mères, etc. Ils ne peuvent s'attarder après la messe dans les couvents de femmes. Un moine qui se marie se rend coupable de crimes de trahison. Tout homme qui devient diacre, prêtre ou évêque doit renoncer à tout rapport charnel avec sa femme et de préférence l'envoyer au couvent. Le diacre qui se marie est réduit à l'état laïque. Une veuve de diacre qui se remarie est excommuniée. Il y a aussi un autre sujet de préoccupation qui rejoint aussi un peu celui de la femme, c'est la traque à l'adultère et à l'inceste. Les interdits matrimoniaux sont des sujets les plus souvent abordés dans les conciles, au point qu'on peut parler d'obsession. Mais elle n'est pas spécifiquement mérovingienne. Les conciles gallo-romains, tous les conciles avant celui d'Orléans en 511, y consacrent de no nombreux canons. Il y a d'abord cette traque à l'inceste. Un veuf ne peut se marier avec sa belle-sœur, la belle-mère avec son beau-fils, une veuve ne peut se marier avec l'oncle ou la tante de son mari, le parrain ne peut épouser la marraine de son filleul, et cette tendance va aller s'accroissant. Il y a la traque à l'adultère. La veuve d'un prêtre ne peut se remarier, c'est un adultère. On ne peut dissoudre un mariage pour cause de maladie sans risquer d'exposer les époux à l'adultère. Une femme qui épouse un diacre ou un prêtre est coupable d'adultère. Les deux sont excommuniés. Autant dire que le prêtre marié n'a jamais été le principe dans l'Église. Donc voici à peu près trois thèmes qui sont abordés. Évidemment, les conciles mérovingiens abordent d'autres thèmes, tout aussi importants, notamment des thèmes liturgiques. Mais là, nous allons surtout nous intéresser à un concile pas comme les autres, un concile qui fait vraiment figure d'OVNI dans ces conciles mérovingiens dont la qualité littéraire est, disons, non pas médiocre, mais juste correcte. Là, nous passons à un autre niveau, d'une beaucoup plus grande élévation, donc le concile d'Orange qui a eu lieu en 529 et qui a été présidé par César d'Arles. Merci et à bientôt pour le prochain podcast.